ça va, c'est à peu près ça. Tu les as réglés, ton... Tu as réglé tes pilotes ASIO, ils sont... Normalement, il n'y a pas beaucoup d'MS, quoi. Normalement, c'est bon. Et joue au piano pour voir. Hein? Joue au piano pour voir. Thank you. Thank you. de dingue. Putain. Coco. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas touché la basse. C'est même ça. Putain. Moi qui voulais acheter une guitare électrique pour jouer la nuit, finalement la basse ça suffit. Ça va arrêter de faire du bruit, ça va enregistrer le fichier normalement.